Bonjour, monsieur Gagné. Je suis ici pour ouvrir les millions, les millions de l'élance. J'ai ici une guitare des accordée sur le Lé mineur. Excusez-moi, monsieur Gagné. Monsieur Gagné n'est jamais arrivé, monsieur Gagné. OK. Ben, bref, peu importe, je vais monter l'amour. Je vais faire monter l'amour dans nos cœurs, dans vos cœurs, mesdames, mademoiselles. Merci, monsieur, de peser sur la pitoune pour faire actionner l'émission des lancers bénaliens. Alors, mi mineur, c'est du direct, hein. Ouais, c'est ma voix qui n'est pas accordée. Guitare très bien accordée. Attention sur Fleur-Vesley. On met ça sans le lait. Et puis, comprenez pas ce que je dis, hein. On comprend jamais ce que je me dis. Mais les mots me comprennent. Les mots me disent que tout va bien et que voilà. Alors, je vais, studier, en voyager, donner pas aux crustacés. Non, les crustacés, c'est pas les souliers, c'est parce que si t'as un soulier crustacé, aïe, il a le tauteuil qui va être croqué par le crustacé. Et c'est assez, pas de, non, c'est trop de crustacés. Oui. Monsieur Gagné n'est pas, non? Nous allons monter l'amour. Montons. Premièrement, on a dit, on me fait entrer ici en studio, hein, puis on dit, tu vas accompagner la tante. Ben, accompagner la tante, très bien. J'ai dit au perco, au techno, place écho, et moi, je serai réglo, mais je vais chanter ma chanson sur Monter l'amour. Merci, monsieur Blombin. Très bon Blombin. Normalement, pas Lucas, mais lui, Lucas, ma papa. L'oreille n'a pas que soif, hein. Elle souffle sur l'attente de ma chanson. Et puis surtout, il se dit, Blondin, guitare pas accoldée, hein. Quoique accoldée ou désaccoldée, c'est la même chose. Moi, j'ai pas la voix qui, enfin. Premièrement, le cours slave de guitare, hein. Slavez-vous ça? Non? slide de guitare. Poussière aussi qui jaillit, puisque utiliser tellement guitare. Parce que, non pas moi doué, mais c'est que mes doué, ça doué sur les codes de la guitare. Guette bien la guitare, elle va se jouer tout seul. Alors, nous allons monter l'amour. Oui, ça paraît peut-être bizarre là chez vous, mais nous, en tir sur le ski, monter la moule, c'est comme le cheval. Hein. Vous dites chevaux, le cheval, les amygdales. Oui, ok, allez. L'élan n'est pas arrivé, non? Ok, montons la moule. Mes souliers ont beaucoup dégagé de senteur depuis que je suis arrivé jusqu'à nous avons demandé du micro, hein. Nous n'en avons qu'un, alors pour ça qu'étrange, on peut pas faire. Là, ce serait très clair, le son de guitare et ma voix serait pas aussi accordée. Alors, c'est pour ça que je m'excuse infiniment auprès des auditrices qui n'ont pas accordé ma guitare. Nous allons faire monter l'amour. Montons l'amour. C'est comme un peu la méchamel. Si vous savez comment la monter. Non, vous... Madame Blibolo qui, elle, tente d'enfourcher la casserole. Non, monter béchamel, c'est le plan de la fourchette, hein, et de touiller. Et si vous ne touillez pas, ben vous êtes des entouilles. Alors, nous allons monter la moule. Montons la moule. Excusez-moi, mal de golzette. Les golzos, j'ai des gaz buccaux. Biki. Les bikinis, moi, me coupent la... Je fais... Oh! Et nous allons monter la moule. Sans bikini. Monokini, version monokini, monter l'amour. Excusez-moi pour les dames qui ont travaillé longtemps dans les années 70 pour donner à la femme un autre prestige que bikini, hein, et monokini encore moins, mais quoi, la liberté, c'est ça, c'est faire ce que l'on peut avec ce que l'on a. Alors, c'est beau, hein, ce que je viens de dire. Mais moi, je viens d'un pays où la liberté est dans la bouteille de vodka. En tout cas, la vodka ici, c'est pas la même chose. Et les montez la moule. Mais non, mais je tiens à vous dire, hein, si vous allez dans mon pays, vous allez sentir que vodka et nana vont bien ensemble. Aux années 70, les femmes ici sont très midules. Hein. Il y a Lise Mayette, Lise Maillot, Lise Mayaise, en tout cas, toutes les femmes humanistes là. Mais et je m'en excuse infiniment de parler des monokinés ici ce soir. Quoique, c'est toujours intéressant pour l'homme, puis même certaines femmes de voir des femmes monokinés. Excusez-moi. On va faire monter l'amour. Mon, l'animal n'est pas arrivé, hein. L'animal n'est pas arrivé, là. Il est en cage. Vous l'avez enseveli sous les plojos, quoi. C'est pas la vedette, ça. C'est un couillon, ça. Comment il s'appelle, là? C'est Rénal Gagné. Oui, c'est Manal Marie. Alors, il m'a dit, lui, sur le Facebook, Babouk, le plouc, là, il m'a dit, je serai là pour ton émission, pas de problème. Puis là, on me plante le micro de l'écho, puis il n'y a même pas de micro, j'ai demandé pour la guitare. Hein. Enfin, nous allons faire monter la moule. Je sais, je le dis tout à l'heure, hein, ben non. Oui, mais c'est l'énervement, hein. Je sais qu'on m'a dit, il y a 12 millions d'auditeurs ici, là, après l'émission de l'oreille qui déchatouille la main. Hein? Qui chatouille la main. L'oreille qui chatouille la main, oui, trouve de la cire à l'intérieur. Et de la cire, c'est comme de l'ol. Nous allons faire, oui. Vous la connaissez? Ah, ben, c'est bien, ça, là. J'ai le public, là. Hein? Vous m'avez écouté depuis Yougoslave avec Youpoub. Youpoub diffuse mes chansons, mes grandes popularisations. J'ai le prix de Félix Boisclair, là. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Ils ont été de l'école à la mer. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Zé, zé, zé, zé, zé, zé, zé, zé, zé. Zé les trouver près de la marelle. Près de la marelle où on tourne les ailes. Oui, on tourne des ailes à la marelle puisque faire monter la moule, c'est pas très, très facile pour le bonis, le canis. Le canis qui fait « Aou, aou !» Non, c'est pas le mauvis. Enfin, ne pas rouler le mauvis moineau parce que le moineau risque de... Enfin, c'est de l'intel, c'est blague intel. Moineau, il est pas arrivé, non? Générique, peut-être, non? OK, montez la moule. Moi, mes souliers ont beaucoup dégagé, puisqu'il n'y avait pas d'antisudorifique, hein. Je sais pas pourquoi, il n'y avait pas des moyens financiers comme aujourd'hui. Et puis, il est là, l'analien. Oh, il est là, il arrive, là. Oh, chante. Nous allons chanter tout à l'heure. Oh, merveilleux. Avant que l'animal se déballe jusqu'à vous, nous tenons à vous mettre en garde. Tout en respectant le genre humain, jamais nous nous interdirons de dire quoi que ce soit. L'errance rénaldienne se veut avant tout multidirectionnelle, à travers un sentier noble et non édulcoré que l'on surnomme les mots, l'improvisation, dévissée de tout sens, pour, en bout de route, en réinventer une autre. Si en cours de route, des turbulences vous parviennent à travers des propos biscornus, des raccordements étranges, sachez que les personnages baroques collaborent à ce chaos anarchiste. Maintenant, préparez-vous à tout. L'errance rénaldienne se dessine. Et les films aussi symboliques des années 80. Mmh. Oui, ben là, je te dis, il y a 37-2, il y a La Nuit de la Pleine Lune, il y a aussi un film qui n'est pas très bien vu des critiques, c'est Les Frères Pétards. Oui, ben oui,

faut rire de tout ce qui est insupportable pour prendre de la distance. Tout le monde, vous savez, les gens qui n'ont pas d'humour sont des gens qui ont des vies terrifiantes. Vous verrez mon corps actuel voler en éclats et se ramasser sous 10 000 aspects notoires. Un corps neuf où vous ne pourrez plus jamais me briser. En tonnerre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Eh bien, hey, Rita, t'as pas retenu le chanteur russe? Mais là, il n'allait pas arriver, ben on l'a vu sur le corridor, dans le corridor, il signait des autographes, tu parles d'un incompétent, Reynald, où est-il? Hey, je suis là. Ben oui, non, t'étais où? Ben là, parce que j'ai eu un problème technique, je devais amener le CD. Arrête-moi ça, ton chanteur russe. Oui, est-ce qu'il est arrivé? Ben il est arrivé, il est parti. Il est parti où? Il est parti par là-bas. Ah non. Est-ce qu'il vous a chanté sa chanson « Monter sur l'amour » ? Ben, « Monter sur l'amour », il était monté sur son agressivité, puis si tu serais rentré en même temps, il t'aurait cassé la gueule. La gueule? Oh, mon... Êtes-vous sûr que c'est pas la gueule? Non, la gueule également. Toute la bouche... Excusez-moi, toute la bouche, il aurait passé. Oh, non... Il vous a pas chanté? Ben là, il a essayé d'accorder sa guitare. Tu avais dit 2 micros, il y a juste 1 micro. Là, tu avais demandé de la réverbère. Nous avions la réverbère. La réverbère. Ben là, c'est dans le milieu. Les gens qui nous écoutent, ils savent pas ce que c'est. Ils connaissaient pas la structure sonore. Ben voyons donc, la réverbération, tout le monde connaît ça. Ben tout le monde connaît ça, toi. Toi, t'es de la radio. Ben oui, moi, je suis dans le milieu. Bon, si t'es dans le milieu, Madame Tremblay, qui écoute l'émission en tournant sa sauce à spaghetti, je tourne! Ben oui, continuez à tourner, madame. Je tourne, oui. Est-ce que ça... Si vous arrêtez de tourner... Ça colle! Ben, continuez. Je tourne! Oui, pourquoi? Ben, pour pas que ça colle, OK. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé qu'il est monté sur l'amour, puis c'est sur ses grands nerfs, puis il a attendu, puis là, il t'a vu arriver, puis là, il a pas voulu rester longtemps parce qu'il était déjà pressé. Comment ça? Il faisait une grande radio, une radio d'État. Ah, pas une radio d'État à Québec? Ben oui, radio... Québec, mais une radio d'État... Oh, la radio dans tous ses états. Ben voyons donc, il était ici pour toi, puis il avait une belle chanson. Il a repris une mélopée de Félix Boisclair. Oh mon Dieu, pas mes souliers. Ben oui, moi mes souliers. Avez-vous accordé ma guitare? Ben voyons, tu prends-tu pour le chanteur? Non. Jamais j'oserais me cataloguer ainsi. Je ne suis qu'un colporteur musical. Oui, ben c'est ça. T'as-tu sa guitare? Non, mais c'est pas sa guitare, mais ça, c'est... J'ai pris ça dans le coffre de Rita Bibelot. Rita? Oui, c'est moi. Alors, ta guitare? Ben, c'est pas à moi, hein? C'est à mon mari. Votre mari? Mon mari qui est décédé. Qui est décédé? Ben, qui est décédé en jouant de la guitare. Oh, mon Dieu! Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est que sa guitare était plus grosse que lui. Oh, il était très maigre. Et moi, très grosse. Bon. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est ça. Il a basculé. Oui. Et le manche, lui, est arrivé en pleine gorge. Oh! Ça a fait comme à la rivière. Non, c'est pas du tout. Ça a fait comme à la Révolution française. Oui, c'est ça. Ça a fait comme à la Révolution française. C'était un... Comment t'appelles ça? Donc, un coupe-tête, un bistouri, une catapulte. Monsieur, donc, attends un petit peu. Tu mets la tête, puis les gens le savent, là. Ils vont me le dire. C'est un ignare. Ben, je sais pas. Devant un micro, là, je perds tous mes moyens financiers. Ben, c'est ça. Tu risques ta vie, toute ta maison, tes 3 femmes, tes adolescentes, et puis... Non, c'est... L'Aiguine. Non, c'est pas l'Aiguine. L'Aiguine. Non, c'est la... Il vous a tout tombé la tête, c'est... Tu te mets la... Non, je ne veux pas. La catapulte. Non, ça, c'est quand une fois que c'est tombé, là, on te met ça sur la boule. Pou! Ça part de l'autre côté, c'est... On arrête l'émission. On a pas la tranchée, c'est la tranchée, mais non, c'est le coupe-tête. Disons, on va appeler ça le coupe-tête. Je sais que les gens vont dire, c'est pas ça qu'on dit, c'est la, ben oui, la guignole, la gigole, la rigole. La rigole ce soir, mon amour. Ça rigole ce soir. doigt. Hey, mais ça rigole ce soir sans toi. Ça attire la jeune fille. Elle, premièrement, elle ne veut plus. Parce que ça dit, mais si tu rigoles sans moi, reste tout seul, mon insignifiant. Je m'ennuie avec mon ombre. J'aimerais me crucifier dans ton passé. La guillotine! La guillotine! C'est revenu comme une magie mentale. C'est revenu, c'est revenu comme un soir dans la dent, il y a la molaire, ça m'a l'air que c'est une dent. Cette dent me paraît singulière, oui, je suis son amant. Elle arrache l'espoir de mon cœur. Elle s'enracine dans le creux de mon malheur. Ce soir, c'est un succès. Les gens ont changé de cap. Je ne suis pas revenu. Je me suis montré sous le couvercle de l'anonymat. Allô? Madame Tremblay? C'est moi, là. C'est Rénal Beaudoin. Madame Tremblay. Ouvrez la porte. Ouvrez, on va défoncer. Jean-Marc, on va défoncer. Je pense qu'elle a voulu se ruicider. Se glucider. Pas suicider. Non, c'est... Ben, c'est rien. Elle connaît même pas ça, ce mot-là. Comment tu veux qu'elle applique cette contradiction humaine de se donner la mort? Voyons donc. Madame Thibodeau! Je pense qu'elle s'est noyée dans sa sauce à spaghetti. Elle a pas dû gérer que notre Russe quitte comme ça les lieux communs. Madame Thibodeau, ouvrez-nous la porte. On va défoncer. Hey, Jean-Luc, peux-tu amener ton petit-fils? Parce que il me dit souvent, mon petit-fils a la tête dure. Alors, on va le faire rentrer dans la porte. Voyons, attends, toi, une commotion mérémraille. Ah, ben, une commotion. Il n'y a pas de tête, cet enfant-là. Il court après n'importe quoi, puis le chat en a peur, le chien en a peur, sa femme en a peur. Il est pas marié. Non, ben, je veux dire, la femme de son... sa mère. Ça commence à être compliqué, ça là. Ben oui, mais là, tout le monde a peur de cet enfant-là. C'est un malade. Il a pas d'intelligence. Il est neutre. Il a manqué de... Voyons donc, c'est... Tout l'espoir de l'humanité québécoise était gravité en lui. On a dit que ce sera le nouveau premier ministre. Puis là, on croit en ça, là. Il est tellement... désespérant. Qu'on peut pas... lui donner un autre emploi. On a essayé. Caissier. Il a pas de doigté. Orateur. Il a pas de mots. Poète. Il y a pas de rime. Chanteur. Il a pas de voix. Guitariste. Il a pas de doigt. Puis politicien, ça tombe bien, il n'y a pas de tête. Bon. Oh. Hey, monsieur, hey, c'est politique, cette blague-là. Oh, yo. Hey, est-ce que c'est des lames ou des cordes, ça, là? Ça, c'est une corde. Attends, ça, c'est la corde de l'amour. Hey, monsieur, ça vivra pas longtemps. Ben, on n'a pas demandé de vivre longtemps. On veut vivre intensément, là. La longévité ne sert à rien. Moi, j'ai vu des photos de feu Madame Tremblay. Comment elle s'appelait? Josama Tremblay, morte à 114 ans. Un an avant, ils l'ont pris en photo. Elle avait l'air heureuse. Elle souriait pas. Elle était toute... Elle pourrissait sur place. Pourquoi pas mourir à 50 ans heureux puis chanter l'amour? L'amour, c'est ça l'amour pour toi. Et mon cœur se réveillera en soi. Mieux vaut crever en pleine forme que de mourir de vieillesse toute ratatinée de sa main. Ah ben ça, c'est un point de vue, madame. Excusez-moi, là, on va reposer la ménard. La ménard. En plus, ça donne la swing autour de la babelle, hein? Puis j'aime pas ça, en pleine émission, là, il est quelle heure, là? Minuit et quelques minutes, puis avoir du swing en dessous de la mamelle, là, ouf! C'est inconfortable, hein? C'est comme si le cerveau nous... Je comprends le premier ministre. Monsieur le président. Messieurs les pas trop catholiques et cathodiques. Mesdames les voluptés. Et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue. Excusez-moi si vous ne nous voyez pas très bien sur mon site internet, là, parce que la lumière, je sais pas, n'essaye pas de jaillir mon visage. Mais, hey, jaillir ton visage, je trouve qui est assez disgracieux. Ouais, mais là, vous avez un peu raison, M. Tremblay, là, mais dire ça comme ça à radio devant 250 millions de personnes. Ben oui, mais 50 millions, puis 250 millions de personnes, puis deux personnes qui t'écoutent vraiment. Ouais. Est-ce que tu crois-tu incroyablement que cette émission n'est qu'un bruit de fond? Un bruit de siphon comme la tornade. Oh mon Dieu, attention, elle va nous emporter. Quoi, la tornade? Non, le siphon. Oh mon Dieu. Les siphons font, les petites marionnettes, les siphons font, trois petits tours et puis colon. Monsieur le Président, excusez-moi. Il faut, quand je fais le, c'est, ça me rend un peu plus sérieux, là. Hautain et puis, on croit plus à mon langage. Ben voyons, personne croit à ça. Qu'est-ce que, en plus, t'accroches des micros, tu lèches des babouches. Ben oui, qu'est-ce que t'as, toi, contre le léchage de babouches? L'été sur le sable chaud, devant les corps très chauds, qui s'incorporent à l'amour du soleil. S'incorporer à l'amour du soleil. Ben oui, ça rayonne, ça nous cuit, ça nous amène le beau cancer. Puis là, tu te laisses mijoter comme une belle marmite remplie de fruits défendus. Monsieur le Président, les pas trop catholiques, les pas trop cathodiques, messieurs les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénalienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à l'errance rénalienne. Je me lèche la babine pour tourner les pages. Ça n'a pas l'air, là, mais je suis en train de lire actuellement. Ben voyons donc. Donne-toi pas plus d'importance que t'en as, toi, là, t'es un illettré première dame. Aïe, non, remarquez-vous à la radio que j'ai des bretelles, moi, là. J'ai des bretelles. On te croit pas. Penses-tu que M. Tremblay va te croire que t'as des bretelles? Ben oui, je crois n'importe quoi, moi, là. Un singulier personnage comme lui. C'est moi. Oui, c'est vous. J'espère que c'est vous. Oui, c'est moi. Oh! Pourquoi vous prenez votre voix spareuse? Non, c'est ma voix radiophonique. Oh, vous avez une belle voix radiophonique. Merci beaucoup. Et quoi, bon, oui, pourquoi je mets des bretelles? Pourquoi mettez-vous des bretelles? Pour mieux me les tirer. Oh, qu'est-ce qu'il s'étire? Là est la question. À quoi bon? Là, je fais boum parce que je me lèche la... Les gens veulent pas savoir qu'est-ce que tu te lèches. Mais là, mais je sais le dire, là! Hey, il est très tard, puis ils vont s'imaginer des affaires. Qu'est-ce qui se lèche à cette heure-là? Le doigt. OK, puis pourquoi faire? Hey, là, la petite Rita, là. Moi, je sais qu'est-ce qu'il veut faire. Il veut nous faire le glamour. Mais non, c'est pour tourner les pages. Oh, mon Dieu, il est une platitude québécoise, oui. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Et j'ai dit ridicule. Ben, moi, j'avais compris autre chose. Oui, je sais. Arrêtez-moi de me toucher les ridicules. On va arrêter de vous toucher les ridicules, Monsieur Grenier. Libre, gagné. Oh, vous aussi. Oh, vous aimez les ridicules. Oh, mon Dieu. T'as pas chez moi les ridicules, hein? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. On comprend pas! J'aimerais là, que, dorénavant, lorsque mademoiselle, vous allez me dire bonjour, avant tout, serrez-moi. Mais serrez-moi. Non. Serrez-moi. Tu vas avoir... Non. Caressez-moi le ridicule. Oh, monsieur. On va te les caresser. T'en as combien de ridicules? Une. Une ridicule? Oui, c'est très... C'est ridicule, oui. Je vais vous raconter mon histoire. C'est parce que lorsque j'étais jeune... Hey, mais les gens veulent pas savoir pourquoi t'as une ridicule, toi, là. Ils savent, tu fais de la radio. OK. L'absurde, hein, là, c'est dans le profond personnage personnel. Première Dan, deuxième doigt, l'auriculaire et singulier. On n'a rien compris. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. Tout fonctionne bien, là. Oui, vous, ça va bien, Mme Tremblay. Oui, mais mon verre d'eau, qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'ai demandé un verre d'eau. Ben, là, votre verre d'eau, madame, là, on n'est pas à la télévision. Nous sommes à la radio. Sortez du studio, hein. Vous tournez tout droit. Ben, comme, attention. Oui, vous tournez tout droit ici. Ben, tournoi vers la droite ou tournoi vers la gauche? Tout droit vers le droit. Tout droit vers le droit. Alors, je tourne tout droit vers le droit, oui. Et lorsque vous allez voir le doigt qui vous pointe l'abreuvoir, oui, vous la tournez. La qui? Ben, l'abreuvoir. Oh! Et qu'est-ce qu'il arrive? Ben là, vous avez deux robinets, le rouge et le blanc. Oh, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de... Êtes-vous certain qu'il n'y a pas de petit pétillant? Le pétillant, c'est pour l'animateur. Ouais, mais il ne pétille pas. Non, il tente de pétiller. Mais déjà, tenter, c'est vouloir un peu, hein? Oh, attention, là. Hey, il dit quelque chose, là. La phrase de la semaine. Tenter, c'est vouloir un peu, hein? C'est bon. Hey, ça, c'est la... Ça, c'est la phrase de l'émission. Tenter... C'est vouloir un peu. Oh bon, merci Renald. Aujourd'hui, le vendredi 12 novembre. 12 novembre. 12 novembre. Déjà le 12 novembre, j'ai déjà rien fait. T'as rien fait. Ben, pour le 12 novembre. Là, je devais me laver les cheveux pour le 12 novembre. Ouais. Ça fait depuis le 3 juillet que ça a pas été... Oh mon Dieu, c'est pour ça que ouais, il est long et grossouillet. Lorsque je me fais de la friteuse, là, moi, je mets pas d'huile végétale, pas d'huile marginale, pas d'huile vraie, pas d'huile animale. Je me mets de l'huile de cuir chevelu. Non, c'est très bon. Ben, premièrement, c'est mon cuir chevelu. Il est extraordinaire. Et ça rend intelligent, hein, parce que moi-même, là, je suis au-dessus de la moyenne. Au-dessous de la moyenne. Non, je suis pas asthmatique, là, mais c'est que plus c'est gras, meilleur c'est. Tu parles-tu de la patate? Je parle de la patate puis du cheveu, hein. Un beau cheveu gras, c'est un cheveu qui s'estime! Un cheveu sec et propre, ça s'en va à tout vent. Un cheveu gras, ça reste là. Ça bouge pas, c'est corrosif. Dis-lui n'importe quoi, ils brocheront, ils ne lâcheront pas. Tandis que les petits cheveux propres, là, pff, n'importe quoi, ça s'en va à gauche, à droite, dans l'œil, dans le front. Le cheveu gras reste collé. Vive le cheveu gras! Vive! Attention. Vive la guitare, vive le cheveu gras, vive la remande, vive le cheveu gras, vive la remande. Qu'est-ce que tu dis? Vive le cheveu gras, vive Les sons sur la chaussée, les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot, ou si boulot, confions la boussole au gestionnaire de zones d'ambiance dans la main d'une gagnon. Le petit négation. C'est le petit négation. Faites un don. Oh, le petit négation. Il dort, le petit négation. Chut, faut pas réveiller le petit négation. Les sons sur la chaussée, les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au sous-boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien.

J'en abuse avec délectation. Douce comme de l'hydromel, je suis en affection. Puis me glisse, m'immisce entre les cuisses. Lisse de la mise, ses yeux se plissent et elle dit stop ton vice. Je suis comme une balle, elle joue le rôle d'une raquette. L'endormeuse, allumeuse, se prend pour une starlette. Mais sache que dans les cinémathèques, t'es presque calipette. Des huettes sont classées dans les séries B au rayon obsolète. Et c'est pareil, c'est une bête de travail, elle n'arrête jamais. Attends, aujourd'hui. Bah aujourd'hui, elle ralentit un petit peu le rythme. Tu vois, tu n'as pas le même rythme de travail à tous les âges de ta vie, donc c'est normal qu'elle lève un petit peu le pied. Mais dans sa période la plus active, c'est assez incroyable. Effectivement. C'est... Et toi, ce qui t'a attiré, c'est plutôt ce qui était caché, ce que les gens connaissaient pas. Ouais, c'est ça. Puis c'est la relation, aussi. C'est pareil, on parlait de la relation Dutronc-Hardy, et là, la relation Gainsbourg... Birkin, c'est aussi quelque chose de particulier. Et c'est... pourquoi plus Birkin que Gainsbourg? Parce que tu aurais pu écrire un livre sur Gainsbourg. Non, parce que Gainsbourg, la meilleure biographie qui a été écrite sur... Enfin, il y a déjà là, voilà, il y a Verlan. Qu'est-ce que tu veux ajouter après quoi, Gilles Verlan? C'est ce livre-là que tu veux parler, Verlan? Oui, Gilles Verlan. Qu'est-ce que tu veux ajouter après Verlan? Il y a tout. Il y a tout. Au contraire, toi, tu m'as dit que tu prenais... Un angle différent, ouais. Mais j'en ai pas trouvé. Pour Gainsbourg, j'avais pas d'angle différent. Okay. Mais. Et pour tranquillement, pour moi, John Birkin, c'était la façon de retrouver avec Gainsbourg. Voilà, parce que. Ouais, c'est ça, c'est un peu la façon pour moi de retrouver Gainsbourg, détourné. Et puis, Jane Birkin, elle est anglaise. Encore aujourd'hui, hein, le chaise, là. Et non, justement, maintenant, en fait, je dis une bêtise parce qu'elle est ni anglaise ni française, elle est entre les deux. Et ça, c'est intéressant aussi, ce personnage. Elle est juste au milieu de la Manche. Okay. Elle est plus d'un côté ou de l'autre. Elle est... Alors, en Angleterre, elle est française et en France, elle est anglaise. Véritablement, elle est anglaise. Ouais, fondamentalement, okay, ouais. Okay, ouais. Mais elle a un truc très français chez elle aussi. J'espère, avec le nombre d'années. Elle va chercher sa baguette comme tous les Français. C'est plus une anglaise. Elle est arrivée aux années 60. Elle a fait le slogan. Ouais, et puis elle commence quand même avec Blow Up de Michael. De Michael Antonioni, etc. Tu vois, il y a des... Un petit rôle de rien. Un petit rôle de rien, mais important quand même. Incroyable. Ouais. We'll be right back. Avec God. Ça va très bien, Gosh. Ça va très bien. Et toi, mon God? Oh, moi, j'ai le God possiblement Bosch. Oh, monsieur! Qui télécharge mes guides si t'apposes? Non, c'est pas ça du tout, monsieur Tremblay. Madame Thibodeau, ça va bien? Ben là, j'essaie d'écouter Le Chemin en marche. Le Chemin en marche. Ouais, ben j'essaie de trouver le Thibodeau dans le regard. Et puis? Ben, c'est très étrangère à ma connaissance générale. En avez-vous une? Une quoi? Une connaissance générale. Je connais tout. Oh. OK. Première question. Oh, mon... Hey, en parlant de questions, j'ai eu... Attention, je me recule et je cherche dans mon sac bago, bédo, mano... Ah non, c'est dans ma poche. Oh, c'est de la perversion. Ouais, toujours de la perversion. On m'a posé des questions... Et je vais y répondre. Attention, je déplie. Oh, c'est comme un chèque. Non, c'est comme de l'argent, on déplie. Oh, c'est quoi ça? Un 25 cents. OK. Les trois questions les plus posées à l'errant rénaldien, c'est-à-dire moi-même. Comment fais-tu pour entrer en transe? Alors, à qui vous posez la question? À monsieur... Lemieux? À monsieur Leclerc? Non, on pose la question à Monsieur Gagné. Gagné. Rénal Gagné. C'est qui? Ben, c'est moi. Oh, OK. Alors, donc, excusez-moi. Alors, comment fais-tu pour entrer en transe? Alors, comment je fais pour entrer en... En quoi? En France. Non, mais en France, moi, j'ai mon passeport. Ah, mais moi aussi. Je présente mon passeport et je dis, je ne suis pas coupable. Eh, mais ils fouillent mes bagages. Ils me disent, alors à poil! Alors, je me flanque à poil. Alors, habillez-vous rapidement, là. Oh, la fille se marie cadée. C'est un Québécois, c'est un Québécois, putain, c'est un Québécois, putain. Il y en a de la putain, OK? En France, il y en a de la putain. Mais putain, il y a de la putain en France. Non, c'est très simple. Alors, premièrement, pour me mettre en transe, je mets le cerveau non pas au neutre, parce que les gens pourront malheureusement rapidement arriver à cette conclusion, mais au contraire, à l'ouverture de tous les mots. Et là, je capture une phrase, un mot qui va m'amener à un autre mot, et un autre mot, et un autre mot, comme Tarzan sur la liane. Sur Kaki, c'est une drogue, la liane? Mais non, la liane, pour tenir, là, il se lâche aller sur la liane. Oh! Sur la corde, oui, sur la corde très raide. La corde bandée au maximum, là. Alors là, c'est la corde bandée sur bandée, un mot bandé, un autre mot bandé. Puis là, on débande pas et on continue pendant deux heures et demie, sinon, Monsieur Marco aimera pas ça. C'est vrai. On est en pièce sur son excellente émission après. L'Audimat, c'est l'ordinateur, lui, il écoute plein de chansons. Et à chaque jour, il doit écouter 250 millions de chansons. Puis là, il dit ça c'est pas mon auditeur, moi, ça c'est pas mon auditeur, c'est mon auditeur. Et puis là, il monte d'auditeur en auditeur, et il augmente. Puis là, son Audimat, il est plein de chansons. Fait qu'il veut pas que perdre une minute avec tes conneries. C'est des niaiseries. Mais niaiseries! Alors, c'est ça, c'est très simple. Bon, alors, de liane en liane, les mots, et on arrive avec une émission qui ressemble à Errance rénaldienne. Rien de plus, il n'y a pas de magie, il n'y a rien sous les bras, rien sous les aisselles. La preuve, au début de l'émission, lorsque j'ai commencé, il y a 5 ans. Faudrait que je demande à Marianne Garnier, parce que elle a animé une semaine après l'émission qui s'appelait Le Phare. C'est une émission techno, donc je sais pas quelle année. C'est elle qui pourrait me diriger, là. C'est elle ma boussole. Et puis donc, voilà, c'est ça. Et puis depuis ce temps-là, ben, je ne veux pas faire d'une radio classique, c'est-à-dire, bonjour, vous écoutez CKRLMF, le 89.1. Il est présentement 00:50. C'est très frisqué dehors. Habillez-vous bien. Les enfants risquent d'attraper. Alors donc, non, ça, je suis incapable. Je veux pas écouter une radio qui me dit quoi faire, là. Je veux une radio, là, qui me dit me divertir tout en me distraire. Ouais, voyons, donc, dis-le. Me distraire tout en me trayant. En te trayant quoi? En me trayant les mots. Oh mon dieu. Y a-tu du lait? Oh mon dieu. Oui, c'est très caillé. C'est caillé. Puis là, ben, quand, lorsque les gens s'endorment, là, lorsqu'ils sont caillés, parce que chez nous, caillé, ça veut dire dormir. Tu cailles, toi, là? Ah non, je dormais pas, moi, là. Non, je réfléchissais. C'est ça, tu réfléchis en ronflant. Ben, ça m'aide, hein, moi, là, ça m'amène dans une atmosphère beau douce, bandi. Comme le bédène, le bambou, là, qui mange des, tu sais, le gros. Mais on appelle ça, Bouddha. Ben, le boudin. Je mets ça comme le boudin. Et je me boude là-dessus, ben, je réfléchis. Allons-nous vivre longtemps? Allons-nous mourir tôt? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Oh mon Dieu, c'est ça. Et puis, là, la deuxième phrase qu'on me pose, pourquoi les extraterrestres... Ah oui, ça, c'est très important. Pourquoi les extraterrestres t'ont-ils choisi? Bonne question. Alors, je vais contacter ici, maintenant, en direct, un extraterrestre qui vous expliquera pourquoi j'ai été choisi par eux. On m'a dit, j'étais l'enfant de la Terre qui arrivera vers le ciel. C'est ce qu'ils m'ont dit. Alors, est-ce que je peux appeler l'extraterrestre? Mais là, on n'a jamais connu ça ici à la radio. OK, mais on demanderait à tout le monde de s'éloigner de leur radio parce que les ondes pourraient brouiller le message extraterrestre, OK? Mais ça me tremblait, voyons. Donc, c'est un malade. Il veut appeler les extraterrestres. S'il vous plaît. Madame, recueillez-vous plus loin, s'il vous plaît. On peut pas recueillir plus... Oui, plus loin, s'il vous plaît. Attention. OK, on va mettre ici, comme ça, OK? En mode de 1834, s'il vous plaît. Ça, c'est dans la méthode extraterrestre. OK, comme ça. Non, ici. Non, attention. OK, on a le message extraterrestre ici. OK, maintenant. Êtes-vous prêt? Et puis, si vous voyez... Des lumières étranges. Approchez-vous pas. Restez spectateur. Filmez, prenez des photos, mais bougez pas, s'il vous plaît. Alors, on va appeler l'extraterrestre. Bonjour, Nathan. Bonjour, comment on peut t'appeler? Ok, bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Ok. Pourquoi m'avez-vous contacté comme étant l'homme devenu le vôtre? Très simple. Excusez-moi, micro, de passer un peu. Micro, pourquoi très simple? Toi, en dehors de tout le sentier battu. Oh, on a perdu le... On avait capté quelques mots, hein? Avez-vous entendu? J'espère. Alors donc, ben, ce qui voulait dire, sans doute, que j'étais contacté puisque j'étais en dehors des sentiers battus et que j'étais, comme disait Dieu versus Jésus, j'étais etché au mot. Voici l'homme terrien qui deviendra extraterrestre. Donc, je fais partie de ce lien intrinsèque entre le bas et le haut. Alors, si vous voulez rentrer en communication avec eux, vous passez par moi. Rénal Québec, RAYNALDQUEBEC à commercialhotmail.com ou donc vous m'écrivez sur Facebook, Rénal Gagné sur Facebook. Vous allez voir un mec avec une housse de micro sur le nez, ça c'est moi. Si vous voyez un mec en moto, c'est je conduis pas de moto, moi. J'ai ma bardeau dans mon lit en version poupée gonflable, mais pas la moto. Et puis troisième question que l'on me pose souvent, pourquoi es-tu aussi adulé? Ben écoute, c'est une très bonne question. Je suis adulé, je me sens comme la croustille, hein. Il y a des croustilles ondulées et d'autres adulées. Non, c'est pas ça du tout, c'est pas ça. Les croustilles sont pas adulées, sont régulières ou ondulées. Bon, ben parce que les gens aiment bien ce que je fais, puis s'ils m'aiment pas, ben ils me suivent pas, ils écoutent autre chose, puis c'est pour ça que je remercie mon seul auditeur présent actuellement. Bonjour, comment ça va? Les enfants vont bien? Bon, alors qui télécharge mes émissions La Gestapo, c'est-à-dire La Police Secrète dans tous ses états? Oh, on ne le sait pas, nous le saurons dans quelques secondes. Où je faisais pousser des patates. J'avais une vache d'un pâturage qui me donnait du bon fromage. Fait que j'ai monté sur ma moto, j'ai roulé jusqu'au Provigo. Me suis acheté de la sauce en canne, puis je suis monté sur ma bécane en chantant. Ah, c'est bon, les patates. Ah, c'est bon, les patates. Dedans le bedon, c'est bon comme Buffalo Bill qui vise dans le mille. Bon, ah, il y a pas son bison. Avec des crottes de fromage, ça descend dans ton oesophage. Arrosé de sauce barbecue, c'est doux, doux, doux, doux, doux, doux, doux, doux, doux, doux, doux, doux, doux, doux, doux, doux, doux, doux, doux, doux, doux, doux, doux, doux, doux, doux, doux, doux, doux, doux, doux, doux, doux, doux, doux, doux, doux, doux, doux, c'est québécois. Pendant le carême, le pape Jean-Paul. Oh, le pape, oh, les messins. On mange en cachette un grand bol. Oh, un gros bol de pape, hein, monsieur. Ton général Pinochet qui nous dit ton enfant follet. Après une journée de torture, il est fait sentir la friture en chantant. Ah, c'est bon, les patates. Oh non, c'est bon, des patates. Ah ouais, bon, dedans le bedon, bon, quand le bourreau sort son marteau, il joue son larron. Quand les patates sont adipeuses et la sauce en canne siruqueuse, quel que soit le goût du fromage, le bonheur sera du voyage. Croyez-moi, c'est bon, des patates. C'est bon, des patates. C'est bon, les patates. C'est bon, pilé. Tout dans le bedon. Comme dans la sagouine, sort son égouine. Soit fond, picassin, son cochon. Ami, concédons pour une fois. Ami, des patates. De mon cœur, la victoire au bras. Et rendons-nous dans la cuisine. Et pichez des bonnes patates pour des bonnes grosses patates. C'est bon, des patates. Rita, des bonnes grosses patates. C'est bon, des patates. C'est bon, des patates. Mais pour toi, John Burkhardt, c'était intéressant de montrer une face cachée, enlever le côté populaire de la femme, c'est-à-dire, on dit, oh oui, John Burkhardt, c'est les grands comédiens avec Pierre Richard, mais on oublie aussi qu'elle a travaillé. Oui, avec des petits auteurs, son budget, des petits cinéastes. Et alors, ce qui est intéressant, elle a même réalisé un film. Elle a réalisé un film aussi, voilà. Alors, ce qui est intéressant... Non, c'est The Box. Oui, c'est ça. Alors, ce qui est intéressant chez Jane Birkin, c'est que c'est l'inverse de Françoise Hardy. C'est-à-dire que Jane Birkin, c'est au départ une personne qui est juste interprète. Elle est juste interprète. Je pense qu'elle a beaucoup d'humilité aussi en elle. Et Gainsbourg, hein, tu dois te sentir écrasé. Voilà, mais même en tant que comédienne, elle estime qu'elle a un registre ou deux registres, qu'elle n'est pas une très bonne comédienne, qu'elle prend pas toute la place sur l'écran, qu'elle se fait vite bouffer si autour d'elle, elle a des comédiens plus confirmés, plus... voilà, plus histrion. Et petit à petit, elle va grandir, elle va s'affirmer. Et elle va devenir auteure. Elle va, sur son dernier album, elle a pour la première fois osé écrire des textes. Ce qu'elle avait fait qu'une fois, elle avait fait un texte anglais pour Gainsbourg. Et par humilité, elle l'avait laissé signer à Serge. Aussi, ce côté que j'aime bien chez elle, c'est de ne pas se mettre en avant, de faire les choses, de travailler et de pas. Et puis d'avoir une humilité qui est quand même la marque de beaucoup de grands artistes, je trouve. Et elle, ce qui m'a intéressé, c'est sa façon de grandir doucement, de mûrir et de s'affirmer petit à petit au fil du temps. Est-ce que tu l'as rencontrée? Je l'ai jamais rencontrée. Ok. Est-ce que tu l'as appelée pour lui? Ouais, j'ai essayé de la contacter pour la faire participer au livre, pour l'interviewer, en passant par son manager. Et puis je me suis heurté à un refus. Sans lui avoir parlé directement, c'est lui qui t'a. Non, c'est lui, voilà, une fin de nous recevoir. Donc j'ai travaillé tout seul de mon côté, quoi, okay. Voilà. Ok. Et après l'avoir édité, as-tu eu des échos de Tim Burke? Non, je lui ai envoyé. Mais après, j'ai lu une interview d'elle où elle disait qu'elle ne répondait jamais quand on lui envoyait des livres sur elle. Elle ne répond jamais aux auteurs, donc j'ai pas été surpris de ne pas avoir de réponse. Est-ce qu'on lui écrit beaucoup de livres? Est-ce qu'on lui consacre? Ça arrive quelquefois. Il y en a. Oui. Mais plus des livres de photos. Les deux derniers qui étaient sortis, c'était des livres de photos. Ok. Ces journées sans toi ne servent à rien. Elles passent et puis voilà. Crois-moi, crois-moi, tous ces journées sans joie. Et toi comme un miracle qui n'arrive pas. Tout ce que je voulais de bon pour toi et moi, c'est de la porcelaine qui vole de l'éclat. Tout ce que je voulais de bon pour toi et moi, et tous ces petits bouts qu'on ne retrouve pas. Reviens. Reviens, ou je me fous en bas. Ce n'est pas du chantage, mais ça dépend de toi. Crois-moi, crois-moi, crois-moi, je ne mens pas. Si tu voyais mes cernes, la nuit je ne dors pas. Chaque jour sans amour aborde un peu de moi. Il y a des pelures dans tous les coins, ma vie en petit âme. Tu m'as confié ton ombre, mais toi tu n'es pas là. J'ai le brouillard de l'ombre sur chacun de mes pas. Tous ces journées sans toi ne servent à rien et passent. Et puis voilà, voilà, voilà qui me revient tout ça. Ces journées fous d'amour accrochées à ton bras. 6 mois si longs sans nouvelles de toi. Peut-être que je te manque, mais je ne le sais pas. 6 mois, 6 mois, ça fait déjà 6 mois que je perds les pétales. Reviens-moi, reviens-moi. Thank you. KRL. Cultive tes goûts.